Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Marie Curie, la pionnière. Je l'ai connue, elle était déjà un peu âgée. Mais ce qui était remarquable en elle, c'était sa simplicité, l'expression très douce et très souriante par moments de ses yeux gris, et puis son éternelle petite robe noire qui ne l'a jamais quittée. Son éternelle petite robe noire, la douceur de son regard et sa simplicité, voilà le portrait de la femme que fait en quelques mots le professeur Marcel Laporte qui a travaillé avec Marie Curie. Marie Curie, évidemment, c'est aussi l'une des plus grandes scientifiques de son temps, comme nous le rappelle sa fille, Ève Curie. Elle était la femme, peut-être la femme la plus célèbre de son temps. C'est la seule personne, homme ou femme, qui ait eu deux prix Nobel, donc deux prix Nobel scientifique. Alors c'était une chose tout à fait extraordinaire. Pour beaucoup de gens, dont moi la première, on avait l'impression que c'était la femme derrière l'homme. Exactement, mais ça, c'est une vieille histoire, comme vous savez. Et que dans son cas, c'est vraiment absolument faux. Mais oui, justement. Non seulement c'est faux, mais ça n'est vraiment pas la faute de son mari, Pierre Curie, qui a tout fait pour dire toujours, mais c'est ma femme a tout fait. Mais on pensait qu'il était galant ou amoureux, et non pas qu'il disait la vérité. Mmh. En vérité, sur le plan scientifique, c'est vraiment elle qui a découvert le radium, avec une persévérance absolument extraordinaire et tout à fait féminine. Ce qui n'empêche pas que lui était aussi un très grand scientifique. La journaliste, auteure et femme politique française Françoise Giroux au micro de Denise Bombardier à l'émission Noir sur Blanc en 1981 pour faire le portrait de Marie Curie. Mon invité est Marianne Desautels-Marissal, journaliste scientifique, co-animatrice de l'émission Électron Libre à Télé-Québec. Marianne Desautels-Marissal, bonjour. Bonjour. Cet extrait, commençons par cet extrait parce que c'est trop formidable. Évidemment, Marianne, ces deux noms, celui de Marie et de Pierre Curie, sont indissociables. Ouais. Mais ce qui est beau dans cet extrait, je trouve ça assez touchant, c'est que ça nous montre que ce couple, cette complicité, ils l'ont vécu amoureusement, mais professionnellement aussi. C'était une sacrée équipe, ces deux-là. C'était une équipe du tonnerre. Puis, c'est dans les récits qu'on entend de la rencontre entre Marie et Pierre Curie. Marie le dit elle-même, elle l'a vu tout de suite quand elle est entrée dans la pièce. Elle l'a vu dans l'embrasure de la porte et elle avait un esprit, un air rêveur. Donc, les deux étaient un peu romantiques, mais ils avaient aussi un amour romantique pour la science et pour le travail de laboratoire. Très vite, ils ont décidé de concrétiser ce rêve à deux, de le vivre à deux et de se marier. Alors, ça a été un coup de foudre professionnel et amoureux. Une vraie rencontre amoureuse et humaine, professionnelle, fabuleux. Reculons un peu dans le temps pour voir un peu à qui on a affaire, d'où elle vient, cette fameuse Marie Curie qui ne naît pas Marie Curie, évidemment. Elle est polonaise. Elle naît à Varsovie en 1867. À quel milieu elle appartient? Quel genre d'enfance elle a, Marianne? Ben d'abord, elle naît Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie. Varsovie qui est occupée par la Russie depuis des décennies. Elle naît dans une famille de 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. Une famille qui est issue de la petite noblesse de l'intelligentsia polonaise. Alors, ils inculquent à leurs enfants des valeurs de l'idéal polonais, d'égalité homme-femme, de résistance face à l'oppression, mais une résistance qui s'articule, qui se concrétise dans l'épanouissement et la liberté qu'offre le savoir, la culture, l'éducation. C'est une grande valeur. Oui, donc Marie Curie, la future Marie Curie, grandit avec l'idée que l'indépendance de la Pologne va se gagner par le travail scientifique et l'éducation de sa génération. Ce donc, l'importance très forte. De la connaissance et la valeur du travail. Vraiment, ça sera une bosseuse incroyable toute sa vie, d'ailleurs. Acharnée, Elle est, c'est pas étonnant, bonne élève. Marie, après son lycée, elle va fréquenter l'Université volante de Varsovie. Je veux que vous nous parliez de ça, Marianne Desautels-Marissal, parce que ce serait le sujet d'une émission c'est complète. C'est fascinant. C'est quoi cette affaire? Alors, c'est une université qui est menée, organisée par des femmes. C'est une université clandestine dont les cours changent d'endroit et se donnent dans des appartements en polonais. Bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas accéder à l'université sous l'Empire russe et l'éducation en polonais est interdite aussi. Donc, ce sont des femmes qui ont risqué leur vie pour permettre une éducation supérieure à leur consœur. Et Marie Curie, voilà, a suivi des cours, a poursuivi son éducation à l'Université Volante. Elle va se retrouver à Paris en 1891, forte de cette base déjà qu'elle a acquise à l'Université Volante de Varsovie. Dans quelles circonstances elle se retrouve en France? Bien, en fait... Il y a sa sœur Bronia qui voulait étudier la médecine. C'est probablement pas étranger au fait que leur mère est décédée de la tuberculose alors qu'elles étaient très jeunes. Puis le pacte avec Marie, c'était que Bronia fasse ses études en médecine pendant que Marie lui envoie de l'argent, travaille à Varsovie. Puis Bronia a fini par se marier et invite Marie à Paris, lui offre de la loger et là, elle va s'inscrire à la Sorbonne. À la faculté des sciences, elle va commencer une licence en physique. Ce qui, à l'époque, est vraiment déjà une manière d'exploit. Oui, c'est un exploit. En fait, en 1891, sur 1825 étudiants, il y avait 23 femmes seulement à la faculté des sciences de la Sorbonne. Incroyable. Et plus de la moitié d'entre elles étaient des étudiantes étrangères. Pourquoi? En fait, la formation en sciences qui était offerte en France aux femmes était différente de celle qu'on offrait aux hommes et elle était insuffisante là, pour que les femmes puissent avoir une bonne formation pour rentrer à la Sorbonne en faculté des sciences. Donc, quand on parle de pionnière, vraiment, on en a, puis il y en aura plein d'autres exemples au cours de la vie de Marie Curie, mais on en a un premier exemple. Une des très, très rares étudiantes en faculté des sciences de la Sorbonne. Vous l'avez un petit peu évoqué, ce coup de foudre, c'est à Paris donc qu'elle rencontre Pierre Curie. Ça se passe quand? Dans quelles circonstances? Ça se passe en 1894. Comme elle était première de classe, elle s'est fait remarquer par ses professeurs. Elle avait des travaux à réaliser, des expériences en laboratoire qu'elle désirait faire. Il manquait de place dans les laboratoires. On lui a dit... Allez voir un certain Pierre Curie, il aura peut-être de la place pour vous dans votre laboratoire et c'est comme ça que la rencontre s'est produite. Alors comme ça, très vite, il l'a convaincue de rester en France parce qu'elle avait prévu de retourner en Pologne pour enseigner. Ah bon. Ils se sont mariés en juillet 1895. Et très très tôt, donc, ce couple amoureux, cette complicité amoureuse va devenir une complicité professionnelle. Mmh. Ils vont faire équipe dans ces travaux de recherche qui leur permettront de découvrir le polonium, le radium. C'est ce qui leur vaudra d'ailleurs à Pierre et Marie Curie le prix Nobel de physique en 1903. Et c'est cette période-là, ceux qui ont vu le film vont s'en rappeler, mais c'est cette période complètement effervescente dont va s'inspirer Claude Pinoteau quand il va faire en 97 son film Les pannes de Monsieur Schutz. On écoute un extrait du film. Tout de suite après, vous allez entendre Pierre Auger, qui a été l'élève de Marie Curie, entrevue qu'il donne à l'émission Présent en 1967. 500. 500. L'aiguillette au maximum, Marie. C'est du radium pur. On l'a trouvé! Mais là, on n'a qu'à quelques milligrammes. Ils nous en font un gramme pour qu'on puisse le voir. Eh bien, on n'a plus qu'à piler, dissoudre, filtrer, précipiter, recueillir, cristalliser et électrolyser mille fois de suite. Alors, on s'y remet tout de suite. Pas de temps à perdre. Marie Curie a voulu faire de la science, de la vraie science. Et pour cela, de mesurer quelque chose. Et c'est parce qu'elle a appliqué ainsi une méthode scientifique rigoureuse de mesure qu'elle a fait la grande découverte du radium. Elle s'est aperçue qu'un des minerais d'uranium était beaucoup plus actif que l'uranium contenu, et donc il devait y avoir autre chose. Et elle a imaginé qu'il y ait un élément nouveau, encore inconnu de la science, et elle avait raison, et cet élément existait, c'était le radium. Et Pierre et Marie Curie, au cours de laborieux travaux, qui ont exigé des centaines et des centaines de cristallisations fractionnées, de séparations chimiques, ont réussi à obtenir le radium pur, même sous la forme métallique. C'est cet immense travail qu'ils ont réalisé ensemble et qui était initié par Marie Curie elle-même, qui avait eu l'idée première, qui représente la découverte du radium et qui a lancé dans le monde savant les recherches de radioactivité. Alors, ces travaux de Marie et Pierre Curie sur le radium, ça va se faire, Marianne Desautels Marissal. Il l'évoque, M. Auger, dans ce qu'on vient d'entendre, mais ça va se faire dans des conditions complètement abracadabrantes. Misérable, en fait, parce qu'il travaille dans un vieux hangar avec le toit vitré, mal chauffé, sur des tables de fortune. C'est le laboratoire de la rue Laumont. Et les opérations de fractionnement pour obtenir le radium pur relève d'un protocole extrêmement ardu. Ça prend plusieurs tonnes de minerais, la pêche blonde, pour obtenir moins d'un gramme de radium. Et c'est des opérations de chimie qui se fond, avec des acides, alors des vapeurs. Ils se sont usés au travail. C'était mauvais pour leur santé. Mais Marie Curie affirmera plus tard qu'elle y a passé les plus belles années de sa vie. Mm-hmm. Elle dira qu'ils aimaient se rencontrer le soir et travailler le soir dans le laboratoire pour pouvoir observer les lueurs que produisait le radium dans l'obscurité sur les murs du laboratoire de la rue Lomond. Et puis, bon, parlons de l'importance de cette découverte-là. C'est pas rien. Quelle importance ça va avoir, Marianne, la découverte du radium? Bien, d'abord, le radium a permis de guérir des milliers de gens dans le monde entier. Plus tard, on découvrira son potentiel pour traiter le cancer, mais ça a surtout permis d'ouvrir cette science-là de la radioactivité, comme on a entendu dans l'extrait. Ça a donné naissance à la radiothérapie. On va même parler à un moment donné de curithérapie. De curithérapie, exactement. Puis à ce moment-là, on connaît pas nécessairement la nature précise de l'atome. L'atome est encore une hypothèse. Ça n'est qu'en 1906 qu'on a une preuve expérimentale de l'atome. À ce moment-là, on pense encore que c'est une sphère dure. Et là, c'est comme si, en découvrant la radioactivité, on se rend compte que l'atome, finalement, est plus complexe qu'on ne le croyait. On découvre une nouvelle frontière de l'inconnu. Ouais. Alors, c'est très excitant. Ouais. Ça vaut la peine de le signaler. Ils refusent sciemment, Pierre et Marie Curie, de breveter cette découverte du radium qui aurait pu les rendre à peu près instantanément millionnaires. Oui. Pourquoi? En tout cas, ça en dit long sur la conception qu'ils ont de la science. Oui, c'était vraiment une question de valeur pour eux. Ils ont toujours refusé de déposer ce brevet. Ils l'ont affirmé à plusieurs reprises. Le radium devait bénéficier à un maximum de gens. C'est un élément chimique. Il n'appartient à personne. On pense un peu à la science ouverte avant l'heure. Il y a même un industriel américain qui leur avait demandé leur protocole d'extraction car il voulait le produire de manière à l'échelle industrielle et ils lui ont donné en détail sans rien demander en retour. Puis le radium, par la suite, a été utilisé à toutes les sauces. C'était un symbole d'amour, de vigueur, puisqu'il avait été découvert par un couple. Et donc, il y a eu du camembert au radium, du beurre au radium, des préservatifs. On en mettait dans les crèmes de beauté. On en a retrouvé dans les stations thermales, dans les bains. Il y avait même une vigoradine pour traiter les faiblesses masculines prématurées. Donc, ça a été... Puis c'était les rayonnements qui étaient à la mode aussi à l'époque. On avait découvert les rayons X. Donc, c'était en vogue. Ouais. Ça se vendait extrêmement bien. Ouais. Pierre Curie, cette histoire d'amour entre Marie Curie et Pierre Curie va se terminer abruptement. Il meurt en 1906 dans un bête accident. Qu'est-ce qui se passe? Un bête accident. Il marche sur un pont qui traverse la Seine. Un jour de pluie, il se fait frapper par une voiture à cheval. Donc, un bête accident. Il va mourir sur le coup. Évidemment, Marie Curie anéantie. C'est dur pour elle. Oui, elle perd l'homme avec lequel elle voulait passer sa vie, son partenaire de laboratoire aussi. Elle va tenir un journal qui est très, très touchant, dans lequel elle lui parle. C'est vraiment un dialogue. Elle lui confie sa peine de l'avoir perdue. Puis très tôt, elle reprend les cours que son mari donnait à l'université. Elle devient la première professeure titulaire à la Sorbonne. Et là, elle va s'investir à fond au labo. D'autant plus qu'on la soupçonne de n'être que l'assistante ou de n'avoir été que l'assistante de son défunt mari. Et donc, le laboratoire est à la fois son rempart, un exutoire, mais c'est aussi un moyen de prouver son savoir-faire. Ça va être fondamental, en fait, cette période qui va suivre la mort de Pierre Curie pour sa réputation même à elle, Marie Curie. Oui, puis ensuite, elle a eu des années très difficiles par rapport à sa réputation. En 1911, c'est l'année où éclate dans la presse l'affaire Langevin. Après 5 ans de veuvage, Marie Curie a eu une liaison avec son ami et collègue, ils étaient des confidents, Paul Langevin. Et puis, la presse a eu vent de cette histoire et s'est déchaînée sur elle, disons, une certaine presse conservatrice. Marie Curie, qui était tant une fierté pour la France au moment où elle avait remporté le prix Nobel en 1903, est devenue soudainement une étrangère, venue envoûter les savants français. Mm-hmm. On l'a poursuivie, ça a été une des premières femmes poursuivies par les paparazzis. Elle a dû s'enfuir, elle a été agressée physiquement, donc elle s'est réfugiée chez des amis, elle a failli quitter la France à ce moment-là. Elle a pensé carrément retourner en Pologne. Oui. Il s'écrit des choses abominables aussi à son sujet, oui. Parfois carrément racistes aussi, oui. Ses origines polonaises dont on se sert. Oui. Donc ça, c'est une période assez sombre de sa vie. Elle va, pendant la Première Guerre mondiale, trouver une manière, au fond, de... Elle reste en France, c'est déjà une première chose, oui. Et de se réhabiliter, en quelque sorte, aux yeux des Français. De quelle manière? Bien, premièrement, elle va remporter un second Nobel, ce qui oui. est aussi exceptionnel. Et c'était en pleine crise de la fameuse histoire Paul Langevin, là, en 1911. D'accord. Et le comité Nobel lui avait recommandé là, de ne pas se présenter pour récupérer son prix. Et elle a contesté, elle a dit que ces histoires-là n'avaient aucun rapport avec son travail scientifique. Elle est allée chercher son Nobel, puis oui, par la suite... Deuxième Nobel qui lui est accordé, pourquoi, Marianne? Pour la découverte du radium, parce que le premier Nobel en 1903, qui est un Nobel de physique, a été remis conjointement à Pierre Curie et à Henri Becquerel pour les découvertes par rapport à la radioactivité. Oui. Et là, c'est vraiment un Nobel de chimie entièrement décerné à Marie Curie, qui lui a été remis pour la découverte du radium. Donc, on revient à la guerre de 14-18, oui. Où elle va servir la France, en quelque sorte. Oui, elle est tout de suite mise à profit pour son expertise en radiologie et elle installe des postes radiologiques dans les hôpitaux. Elle va former 150 infirmières aux techniques de radiologie et elle va créer une flotte de voitures radiologiques, les petites Curie, des voitures modifiées de manière à ce qu'on... On puisse faire des examens au rayon X pour soigner les soldats. Et elle va aussi créer, avec son invention, des petites ampoules de radon qu'on peut placer sur les plaies pour les cautériser. Donc, elle s'est vraiment investie. Et là, la presse a changé de ton aussi. Son travail avec les petites Curie était reconnu. Oui. Et ça a réhabilité un peu sa réputation. Bon, parlons de la femme, de Marie Curie, la mm-hmm. femme, cette pionnière en science, pionnière à plusieurs égards. On l'a vu déjà dans l'émission. Je vous propose deux extraits pour aborder cette question de la femme Marie Curie. D'abord, le président français, François Mitterrand, lors oui. de la cérémonie du transfert des cendres de Marie Curie au Panthéon en 1995. Puis le commentaire de sa fille, Ève Curie, à l'émission actuelle en 1984. En tant que femme, la première docteure en sciences, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel, je forme le vœu au nom de la France que partout dans le monde progresse l'égalité des droits des femmes et des hommes. On lui a demandé un jour quelle était, selon elle, la vie idéale pour une femme. Et j'imagine qu'on s'attendait à une espèce de réponse un peu sensationnelle, parce qu'enfin, elle était dans une situation tout à fait unique. Et elle a dit une vie de famille simple et un travail qui l'intéresse. Et c'est comme ça qu'elle se voyait elle-même. Elle considérait que c'était sa propre vie. C'est extraordinaire, cet extrait. Ces deux extraits, en fait, et qu'on les entend l'un après l'autre. Marianne Desautels, Marissal, François Mitterrand, qui, avec le recul qu'il a, voit bien la grandeur qu'a eu, l'importance qu'a eu Marie Curie pour mm-hmm. les femmes. Et puis, cette réponse beaucoup plus intime de sa fille qui dit, mais cette femme-là était, en guillemets, simple. Ben oui, une femme ordinaire qui voulait juste une vie agréable à la maison puis un travail qui l'épanouisse. Ouais. Elle se situait, ou est-ce que c'était une considération pour elle? Est-ce qu'elle était consciente de cette question de la situation des femmes, de l'importance qu'elle avait? Bien, elle en était sans doute consciente, mais ce n'était pas une militante. Ouais. Et je crois qu'elle revendiquait, elle a toujours revendiqué ses propres découvertes et son droit d'avoir une famille aussi, mais je ne crois pas que c'était une préoccupation en termes de militantisme, là. Mais c'est quand même un exploit. En fait, Marie Curie, oui, c'est un personnage extraordinaire, un esprit brillant, une travailleuse acharnée, mais c'était aussi une mère de famille. Elle a eu deux filles, mmh. ça a été une grand-mère. Bon, bien sûr, elle a perdu son mari, mais elle n'a pas eu finalement à sacrifier sa mmh. vie de famille, alors qu'il s'est créé le mythe Marie Curie, le syndrome Marie Curie, si vous voulez. C'est l'idée qu'une femme scientifique doive souffrir, sacrifier toute sa vie personnelle, vivre dans l'austérité pour exceller dans sa carrière, alors que c'est faux. Marie Curie n'a pas eu à faire ces sacrifices-là. C'est une bosseuse d'abord, oui. Donc elle se réalisait dans le travail. Oui, une grosse bosseuse, mais elle se réalisait dans le travail. J'entendais en préparant l'émission un autre extrait d'Ève Curie, la fille de Marie Curie, qui disait oui, femme célèbre, chercheur, l'une des plus grandes chercheuses du 20e siècle. Mm-hmm. Les gens me disent, disait Ève Curie dans l'extrait, vous la voyez-vous, votre mère? Ça a dû être une mère absente. Non, pas du tout. Elle était à la maison constamment, elle travaillait, elle venait manger chez nous. Elle travaillait, oui, tout le temps, jusqu'à très tard le soir, mais on a eu une mère très présente. Et elle a amené une de ses filles, du moins, au travail, Irène, qui l'a accompagnée durant la guerre avec les petites Curie et qui elle-même est devenue physicienne. Elle a remporté le prix Nobel de chimie en 1935, elle aussi avec son mari, pour la découverte de la radioactivité artificielle. Et ça, c'est assez fabuleux. Trois Nobel dans la même famille. Et Ève Curie, qu'on entendait, avait cette boutade. Je suis la ratée de la famille. Parce qu'elle est une pianiste, mais attention, qui a travaillé à New York, qui a fait une grande carrière internationale, une grande pianiste, me dit, bon, je suis la ratée, moi, j'ai pas de prix Nobel. C'est ça, Marie Curie. Qui a publié une biographie de sa mère aussi en 1939. Elle meurt en 34, Marie Curie. Oui. On l'a un petit peu évoqué, mais évidemment, sa mort, c'est un petit peu le résultat de sa vie de chercheuse. Le radium a laissé des traces, Marianne. Oui, bien sûr, elle a toujours eu une santé fragile, mais elle est morte à 66 ans d'une maladie des reins due au rayonnement. D'ailleurs, le radium, elle n'est pas la seule à en avoir souffert. C'était dangereux, surtout pour les personnes, les professionnels qui manipulaient le radium, qui donnaient des soins aux personnes qui souffraient du cancer, par exemple. Donc, voilà. Mais elle est quand même morte à 66 ans. Souvent, dans le mythe, on a l'impression qu'elle est morte très, très jeune. Elle a poursuivi sa carrière, elle a fondé l'Institut du radium. Oui. Elle a voyagé beaucoup pour propager un message de paix, pour parler du rôle des scientifiques dans la société aussi. Il reste quoi de cette grande Marie Curie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient d'elle? Grande question. En fait, c'est une légende dont tous les éléments sont véritables. Puis c'est un personnage tellement atypique dans un monde d'hommes. Pour moi, elle est à l'image de sa découverte, le radium. On dirait qu'il y a un rayonnement qui émane d'elle, qui lui est intrinsèque, une force, une persistance. Pour moi, c'est ça. Mm-hmm. Elle a toujours foncé, mais en même temps, oui, c'était une travailleuse acharnée, mais elle a fait ce qu'elle aimait. C'était une passionnée. Elle disait aussi que le scientifique n'est pas un technicien, qu'il a le même émerveillement devant ses découvertes et en faisant les expériences qu'un enfant devant un jouet. Ouais. C'était l'émerveillement de la nature. Donc, c'était aussi une romantique, Marie Curie. Et est-ce qu'au final, on revient à la femme, Marie Curie, à ce couple, Pierre et Marie Curie, elle, Marie Curie, est-ce qu'au final, l'histoire l'aura reconnue à sa juste valeur? Bien, je crois que oui. Puis, elle a toujours revendiqué cette place-là. Elle a toujours précisé sa part de découverte et la part de Pierre Curie. Pierre Curie, de son vivant, qui lui a aussi laissé toute la place qui lui revenait, pas plus ni moins. Donc, je crois que ce qui reste de Marie Curie, son héritage lui a été entièrement remis, ce qui est quand même rare en science. Il y a beaucoup de femmes qui passent à la trappe, qu'on oublie totalement. Ça n'est pas le cas avec Marie Curie. Marianne Desautels, Marissal, c'était fascinant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.